Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Les cigares du pharaon. Cinquième et dernier épisode. Alors que Tintin et Milou étaient partis pour une longue croisière en direction de Shanghai, ils se sont retrouvés embarqués dans une sombre histoire de fouilles archéologiques et de contrebande de drogue. Slotsky, l'un des membres de la petite société britannique résidant en Inde, a révélé à Tintin que le chef d'une dangereuse bande de trafiquants avait donné l'ordre de le tuer. Mais il a été frappé d'une fléchette empoisonnée juste avant de pouvoir lui révéler son nom. Après s'être échappé de l'asile où il avait été enfermé à la place de Slotsky et Philémon Cyclone, Tintin s'est de nouveau retrouvé seul dans la jungle. C'est là qu'il a fait la rencontre du Maharaja de Rawashputala. Et avez-vous vu notre merveilleux Taj Mahal, cher Tintin ? À vrai dire, je n'ai pas encore eu le temps de visiter votre beau pays, Altesse. Par Brahma. Je connais cette musique. Trop tard, elle a disparu. Pourquoi semblez-vous si inquiet, Altesse ? C'est affreux, comment vous dire ? Mon père et mon frère sont devenus fous l'un et l'autre. Or, à chaque fois, juste avant que leur raison bascule, cette musique diabolique s'était fait entendre. Et vous craignez qu'un nouveau malheur ne se produise ? Oui, et cette fois, j'en suis sûr, c'est à moi que s'adresse le terrible avertissement. Ils sont devenus fous, dites-vous. C'est la vengeance de la bande. La fléchette qui m'a piqué est empoisonnée au sud de Radjaïja, le poison qui rend fou. Permettez-moi une question, Altesse. N'a-t-on jamais remarqué sur le bras ou le cou de votre père ou de votre frère la trace d'une piqûre ? Jamais, non. Pourquoi ? Votre père et votre frère s'étaient-ils attaqués au trafic de stupéfiants ? Cocaïne, opium, par exemple ? Certainement. Moi-même, d'ailleurs, je continue la lutte. Voyez-vous, la région où nous sommes produit du pavot, dont on extrait l'opium. Or, en terrorisant la population, les trafiquants ont rendu la culture du pavot obligatoire. Ils achètent cette récolte à vil prix et vendent très cher aux paysans le blé et le riz dont ces malheureux ont besoin puisqu'ils ne les cultivent plus eux-mêmes. C'est contre cet odieux système que nous avons entrepris de lutter. Je m'en doutais. Alors écoutez-moi, Altesse. Voici ce que nous allons faire. Là-bas. Tu vois la fenêtre du milieu ? C'est là. C'est la chambre du roi. Bien. J'y vais. Corde magique, dresse-toi. Je ne suis pas mécontent d'avoir appris ce tour, moi. Et maintenant, grimpons. Le voilà fou allié, le dernier de nos Maharajas. Allez, approche mon coco. Cette fois, je te tiens. Eh bien, que fait-il ? Ah, ça ! Où est-il donc passé ? Serait-il dans l'arbre ? Ou dans l'arbre ? Oh, oh, on dirait que j'ai eu le nez creux. Le tout maintenant est de découvrir le mécanisme d'ouverture. Un levier, j'en étais sûr. Alors, qu'y a-t-il là-dedans ? Oh, un puits. Ça alors, un puits a été creusé sous l'arbre. Et il y a même une échelle. Eh bien, je vois que nos ennemis sont très organisés. Comme cet endroit est étrange. C'est un véritable labyrinthe, ma parole. Où tout cela va-t-il me mener ? Quelqu'un, vite ! Cachons-nous. Nom d'une pipe ! Il avait le signe du pharaon brodé sur son costume. Que peut bien faire cette personne en pleine nuit en soutane et cagoule ? Sapristi, encore une. Hep. Et voilà. Vous permettez, monsieur, que je vous déshabille ? Oh. Quel drôle de costume, vraiment. Et puis en plus, on y voit à peine là-dessous. Bon. Maintenant, allons voir où se dirigent tous ces clowns. Soyez le bienvenu, frère. Nous vous attendions. Bon sang, bonsoir. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Qui sont donc tous ces gens ? Frère ! Sauf notre chef, qui ne pourra pas venir ce soir, nous sommes désormais au complet. La séance peut donc commencer. La parole est au frère de l'Ouest. Merci, frère président. D'abord, une grande nouvelle. Nous sommes définitivement débarrassés du Maharaja de Rawashputala. À l'heure où je vous parle, il a perdu la raison. Plus rien ne s'oppose donc. Allô ? Ouais, central. Un message du Caire ? Quoi ? Un instant, ne quittez pas. Frère, la situation est grave. Notre quartier général du Caire vient d'être découvert. Seul notre chef a pu s'enfuir. Il arrive en ce moment même par avion. Oui, allô ? Comment ? On vient de vous amener quoi ? L'un de nos frères ? Évanoui ? Mais, nous sommes pourtant sept ! Frère, il y a un traître parmi nous. Puisque notre règlement nous interdit de nous montrer le visage découvert... Vous allez me dire, l'un après l'autre, le mot de passe. Celui qui ne pourra pas me le donner sera mis à mort, immédiatement. Vous, commencez. Bon, au suivant. Bon, ça va, suivant. Excuse me, frère, mais je ne me souviens plus. Tiens, non. Eh bien, cher ami, je vais compter jusqu'à trois. Si à trois, vous ne m'avez toujours pas dit ce mot de passe, c'est moi-même qui vous ferai taire pour toujours. Mais je... Un. Ce n'est pas possible, ça ne me revient plus. Il faut que ça me revienne. Deux. Trois. Ça y est, je m'en souviens. C'est Kiosque et Ravas Moutala. Imbécile. Vous ne pouviez pas le dire tout bas, tout le monde le sait maintenant. Bon. Puisque c'est comme ça, je vais me rendre dans la pièce voisine. Et vous viendrez l'un après l'autre me dire le mot de passe de notre précédente réunion. Au premier! Mais je dois avouer que j'ai eu de la chance d'être appelé le premier. Et maintenant, voyons un peu qui se cache sous toutes ces cagoules. Mr. Snowball ? Le fakir. Bon, lui, je m'y attendais un peu. Le colonel qui m'a condamné à mort. Ça alors ? Mrs. Snowball. Jamais sans son mari à ce que je vois. Le conseiller du Maharaja. Pauvre Altesse, si elle savait. Tiens, un japonais. Sapristi, le fakir. Il s'est libéré de ses liens. Mais où est-il passé? Tu croyais m'avoir comme ça? On voit que tu ne connais pas l'étendue des pouvoirs d'un fakir diplômé. Oh Milou ? Milou ici. Milou, c'est ça, Milou. Oh les mains. Milou. Oh Milou, tu es sain et sauf. Félicitations, cher ami. Vous avez réussi un coup de maître. Comment, vous ne voulez plus m'arrêter ? Non. Non. Nous savons maintenant que vous êtes innocent. Mmh. La police égyptienne nous a mis au courant de vos mésaventures. Oh. C'est elle qui a découvert que le tombeau du pharaon Kiosque servait de repère à une bande internationale de trafiquants de drogue. Parmi les papiers saisis, les policiers ont découvert une liste noire sur laquelle figurait le nom du Maharaja de Rawalpindi. Et oui. Et le vôtre. De plus, ils ont mis la main sur le plan de ce repère-ci. Et ce plan nous a été communiqué. C'est pourquoi nous voici. Enfin, je dirais même plus. Nous voici. Quant à moi, cher monsieur Tintin, je vous dois la vie. Le mannequin que vous aviez mis dans mon lit à ma place a bien été atteint d'une fléchette, comme vous le prédit. Oh ! Le fakir ! Il s'est encore échappé. Oh. Ah. Ah, le bandit ! Il a refermé la porte à clé. Attendez, j'ai un passe-partout. Ah. Ah, c'est pas celle-ci, flûte ! Mais tu vois bien que celle-ci ne marche pas. Essaye-en une autre. Malheureusement, je crains que quand la porte sera ouverte, le fakir ne soit déjà loin. Bon, tant pis, nous le rattraperons plus tard. En attendant, Altesse, rentrons au palais et envoyons vos gardes pour qu'ils s'occupent des autres prisonniers. Comment avez-vous su pour la fléchette empoisonnée? Oh, c'est une longue histoire. Seigneur, Seigneur, son Altesse, votre fils, il a été enlevé. Comment? Mais par qui? Deux hommes, je n'ai pas vu leur visage. Ils viennent de s'enfuir en auto. Vite, allons au garage du palais. Ils ne peuvent pas avoir pris une grande avance. Oui, rattrapons-les. Je dirais même plus, rattrapons-les. Tenez-vous bien, messieurs. Je démarre. Nous sommes prêts. Je dirais même plus. Nous sommes prêts. Oh, on t'avait pourtant dit de te tenir, triple andouille. Et toi alors, cornichon? Je les vois. Cramponnez-vous bien derrière. Ça va barder. Ah! Il nous poursuit, grand maître. Il faut aller plus vite. Impossible. La voiture donne son maximum. Et fait taire le gamin. Il me déconcentre. Regarde-moi, petit. Regarde-moi bien. Tu vas t'endormir. Nous gagnons du terrain, Milou. Mais quelle est cette fumée qui bouche la route? Que se passe-t-il? Ça sent le roussi. Oh, les malheureux! Leur voiture s'est écrasée dans les rochers. Ils ont dû déraper dans le virage. Sapristi! C'était une ruse. Ah, les gredins. Vite, Milou, cachons-nous. Vous êtes raté. Et maintenant, il s'est caché derrière sa voiture. Impossible de la lui prendre. Bon, continue à le tenir dans le respect. Moi, je file avec le boss. Bien, grand maître. Mais où est-il passé? Je ne le vois plus. Oh, les mains. Jette ton arme. Voilà. Voilà. Au fait, un détail. Mon revolver n'était pas chargé. Tiens, quelle coïncidence. Je n'avais précisément plus de cartouches dans le mien. Hein? Ah, sale mioche! Arrête de chicoter comme ça! Tu vas nous faire tomber! À nous deux, mon âme... Voilà du travail tout fait et bien fait, ma parole. Le fakir qu'il est, il n'a pas pu arrêter cette pluie de cailloux. Surveille le Milou. Pendant ce temps-là, je vais essayer de rattraper l'autre. Ah, tonnerre. Cet enragé est toujours la métrousse. Attends un peu, mon gaillard. Tu vas voir à qui tu as affaire. Et toi, le moutard, reste là et boucle-la. Tu vas regretter de t'être acharné contre moi. Tintin de malheur. Mon Dieu, ce rocher, il va me tomber dessus. Dieu et son âme. Qui était-ce donc? Il a emporté son secret dans la mort. Le fils du Maharaja, j'allais l'oublier. Qui es-tu, toi? Je m'appelle Tintin. Tu viens me sauver? Exactement. Je vais même te ramener immédiatement chez ton père. Et maintenant, Altesse, il ne me reste plus qu'à prendre congé de vous et à continuer mon voyage. Non, Tintin, je ne veux pas que tu partes. Permettez-moi, cher ami, d'insister à mon tour. Restez donc ici quelque temps. Vous pourrez enfin savourer les délices de l'Inde après tous ces ennuis. Eh bien, Altesse, c'est avec plaisir que j'accepte votre invitation. J'adore faire la fête. Il y en a toute l'année, au moins une fois par semaine. C'est magnifique. Vive Ramchester! Vas-y, petit gars! Passe à la mansarde! Je connais ces voix. Vive Osiris! Bravo! Bien drippé! Tire au but! Qui sont ces deux hommes, Tintin? Altesse, je vais vous le dire, mais il serait bon de les faire venir au palais. Vous allez comprendre pourquoi. Allez, Salut à toi, ô noble pharaon. Le pauvre. Son état ne s'est pas arrangé. Apportez des cigares à ces messieurs. Tout de suite, Altesse. Voyez, Altesse, ils ont été atteints du même poison que celui qui a frappé votre père et votre frère. Un cigare, messieurs ? Halte là ! Il ne faut pas toucher au cigare du pharaon. Qu'est-ce que vous dites ? Montrez-moi cette boîte, je vous prie. La voici, Sahib Tintin. D'où viennent ces cigares ? Ce sont les cigares de l'ancien conseiller de son Altesse. Je savais qu'il y en avait beaucoup, et comme il n'en restait plus d'autres... Regardez, Altesse. Vous voyez ce signe sur les bagues ? C'est le signe royal du pharaon Kiosk, celui dont le professeur Cyclone, ici présent, a découvert le tombeau dans le désert égyptien. Le colonel qui m'a condamné à mort en Arabie avait les mêmes. C'est un signe magique ? Je l'ignore, mais nous allons peut-être enfin avoir la clé de l'énigme. Oh ! Je m'en doutais. De faux cigares, ce n'est qu'une simple cartouche de tabac. Et dedans... De l'opium. Voilà comment ces bandits déjouaient toutes les recherches de la police. C'est bien. Vous pouvez reconduire ces deux messieurs. Messieurs, si vous voulez bien me suivre, votre voiture est avancée. Au revoir, chers collègues. Nous nous reverrons peut-être bientôt au royaume des morts. Une voiture ? J'ai fait venir une ambulance. Ils arriveront ce soir même dans le meilleur asile du pays. Au revoir, jeune homme. Oh, et bravo, vous avez de l'avenir en championnat. Au revoir, Zlotsky. Puisse la médecine vous sauver. Eh bien, mon cher ami, vous avez fait du bon travail. Et amplement mérité un peu de repos. Grâce à vous, voici le monde débarrassé pour toujours d'une bande d'ignobles malfaiteurs. Puissiez-vous dire vrai, Altesse ? Seul l'avenir nous le dira. Allez, petit chien, laisse-moi monter sur ton dos. Je suis pas un éléphant. L'idée de Tintin, c'est visible, est que ses aventures en Extrême-Orient sont loin d'être terminées. Et en effet, elles continuent dans le Lotus Bleu. C'était Les Cigares du Pharaon d'Hergé. Une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart, et la Comédie Française. Adaptation, Catel Guillou. Musique originale, Olivier Davio. Orchestrée par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France. Avec Éric Genovese, le Maharaja de Rawashputala, Alain Langlais, Philémon Cyclone, Alexandre Pavlov, Zlotsky, Laurent Natrella, le Fakir, Julie Sicard, le fils du Maharaja, Serge Bagdasarian, Dupont, Christian Heck, Dupont, Gilles David, Rastapopoulos, Jérémy Lopez, Milou, Louis Arène, le conseiller du Maharaja, Noam Morgenstern, Tintin et Didier Sandre, le narrateur. Et les voix de Claire Boust, Ewan Crovella, Charlotte Fermant, Thomas Guenet, Solène Louer et Valentin Roland. Bruitage, Sophie Bissantz et Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Pierre Mine et Émilie Couette. Prise de son musicale, montage, mixage, Jean-Michel Bernot, Alice Legros et Jean-Baptiste Etché-Parebord. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Benjamin Habitant.